بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبعد مراجعتنا الآخرة التلخيص الذي أخذناه إن شاء الله سنواصل في بقية المسائل. Cette brève révision qu'on a appris avec le récapitulatif qu'on a fait des autres masailles qui sont déjà passées, on va poursuivre, Inch'Allah, dans les, après les 40 prochaines autres masailles, Inch'Allah, on fera pareil. Un talchis de tout ce qu'on a pris depuis la 40e jusqu'à là, à 79e ou 80e, on verra, Inch'Allah. Donc là, l'auteur va citer une série de masailles, 3 ou 4, qui sont liées au Qadar. Au destin. Donc, de l'édition que j'ai, c'est l'édition d'Ar Omar ibn Khattab. Il est passé directement de la Mas'al Arba'in, 40e, à la Falatha Warba'un, 43e. Donc, je ne sais pas s'il y a une erreur d'édition ou s'il y a un manque, mais c'est comme ça dans le livre que j'ai. Ça passe de 40 à 43 directement. Il n'y a pas 41, il n'y a pas 42. Donc on va rester sur ce que l'édition nous donne et poursuivre avec cela, inshallah ta'ala. Tamam. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-mas'ala al-thalitha wa arba'un, qui est 43e mas'ala. Juhuduhum li qadarillah, qu'ils refusent, qu'ils renient le qadar, le destin, ce que Allah prédestiné. Qala juhud al-qadar. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح: القدر هو علم الله بالأشياء، تقديره لها جل وعلا قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ، ثم خلقه لها. Donc le qadar, c'est ce qu'on est traduit, qui est traduit par le destin. C'est le fait que Allah connaisse les choses et leurs mesures avant qu'elles n'apparaissent, avant qu'elles n'aient lieu. Qu'ils les aient écrits dans le Louh al-Mahfouz, puis qu'ils écrivent. Donc on a déjà pris des masailles qui sont liées à ça dans le livre « Usul al-Iman » de Cheikh Al-Uthaymeen, qui sont liées au Qadar. Ils sont liées au Qadar. Et dans « Salasat al-Usul » et dans d'autres kutub, même fait par nos frères, Inch'Allah, sur le site. Quand même là, le but n'est pas, une fois de plus, de rentrer dans un ders qui est lié au Qadar, mais dans un ders qui est lié à certaines masailles liées au Qadar, celles dans lesquelles sont tombés les gens de la Jahiliya. Donc, l'Iman bi Qadar, comme a dit le Cheikh, wa ruknun min arkan al-Iman al-Sitta. C'est un pilier parmi les 6 piliers de la foi, qui sont l'Iman billah, la foi en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wa l'yum al-akhir, le jour du jugement, le jour dernier, والقدر خيره وشره. Donc le qadar, son bien ou son mal. La tambih, le mal du qadar, c'est un mal relatif par rapport à nous. Mais tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ne comporte que du bien, et c'est une hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa création. Chose que nous ne discernons pas forcément, car nous sommes faibles et limités, et de simples créatures. Toutes ces choses-là nous dépassent. Donc des choses arrivent dans le qadar, pour nous, à nos yeux, elles sont un mal. Elles sont un mal, mais derrière, il y a une grande sagesse qui en découle. Donc le shirk, comme il dit, « Al-qadar min af'alillah, subhanahu wa ta'ala, wa la yaka'u shay'un mi fi mulkihi, illa wa qaddarahu wa sha'ahu, subhanahu wa ta'ala, dhalika anna Allah alima ma kana, وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. Donc le qadar, c'est parmi les actes d'Allah, ses actions, ce que Allah fait. Il n'y a rien qui ait lieu dans son royaume sans qu'il ne l'ait prédestiné auparavant, qu'il l'évolue. Al-Mashi'a. Et cela parce que Allah subhanahu wa ta'ala a su les choses avant qu'elle n'ait eu lieu, et une fois qu'elle a eu lieu, par sa science sans début, par laquelle il est, ou sa science infinie, celle par laquelle il est décrit. Yani, depuis toujours et comme on dirait, sans fin. Il a toujours été décrit de la sorte, sans début, et il sera toujours sans fin. Akaliokol, Azalan wa Abada. Il est sans début et sans fin. Donc ces choses-là, ils écrivent dans le Louh al-Mahfouz, et que toute chose qui nous arrive, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a su à l'avance ce qu'il a voulu. Maintenant, ça c'est un tambi. Al-Farq Beina al-Irada wal-Mashi'a. On en a déjà parlé, mais la baisse, nous acquérons Fusana Bizarika, pour comprendre la mas'ala. Al-Mashi'a wal-Irada. Les deux en français se traduiraient par la volonté, le fait de vouloir quelque chose. Al-Irada, elle est de deux catégories. Shal'iyya wa kouniyya. Des choses qui sont liées à la création et des choses qui sont liées à la législation. Les choses qui sont liées à la création, elles ont forcément lieu. Et il se peut que Allah les aime, il se peut qu'il ne les aime pas. Et les irada shal'iyya, ce sont des choses qui sont liées à la législation. Des choses qui peut-être ont lieu, peut-être n'ont pas lieu. C'est pas l'azim, mais Allah les aime forcément. Ou al-mashi'a, elle est d'une seule catégorie. Al-mashi'a, elle revient. La mashi'a, c'est la même chose que al-irada al-kawniyya. La volonté qui est liée à l'être, à la création. C'est la même chose. Masha'Allah au kan, ou alam, lam yasha, lam yakun. Ce que Allah a voulu a forcément lieu, ce qu'il ne veut pas, n'a pas lieu. Donc, il faut bien définir, déjà, il faut parler l'arabe pour pouvoir définir les versets, parce qu'en français, il est écrit dans les deux ce que Allah, il veut. Donc, celui qui n'est pas arabophone ne va pas discerner entre sha'a ou arada. Il ne va pas différencier entre les deux. Après, il faut bien voir dans les versets quel terme qui est employé. Est-ce que c'est sha'a ou est-ce que c'est arada? مثلا يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Que Allah veut pour vous la facilité, ne veut pas pour vous la difficulté. C'est une chose que Allah veut pour nous. Mais est-ce que nous, on prend que la facilité et on ne fait pas des difficultés? On fait la difficulté. Ça, c'est pas lié à la mashi'a, à l'irada, à l'kawniyya. Allah, il a voulu, quand même, mais ce n'a pas forcément lieu. Parce que ça, c'est quoi? Al-irada al-shar'iyya, qui est liée à la législation. Allah coule une différence entre les deux, entre al-mashiyya ou al-irada. Al-irada, comme on l'expliquait, de deux sortes. Shar'iyya, que Allah il aime forcément mais n'a pas forcément lieu. Et kawniyya, qui elle, Allah peut-être qu'il l'aime, peut-être qu'il ne l'aime pas, et elle a forcément lieu. Et al-mashiyya, c'est la même que la dernière. C'est irada kawniyya. C'est la même chose. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. Que les plumes ont été levées et que les encres ont séché. Ça veut dire le destin, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit ne change pas. Et qu'il n'y a rien qui ait lieu sans sa mashi'a, subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah qui a tout créé, donc toute chose qui existe est forcément une création, donc c'est qu'il a voulu. À bien comprendre cela. Chaque acte, chaque parole, même sentiment, toute chose qui existe en dehors d'Allah est sa création. Donc il n'a pu avoir créé une chose qu'il n'a voulu, qu'il n'a pas voulu. Et ça, ce sont justement les maratib du Qadar. Maratib du Qadar, que sont-ils? Les étapes du Qadar. Awalan, que Allah a su la chose. Al-ilm. Thaniyan, que Allah a écrit cette chose. Al-kitab. Fil-louh al-mahfouz. Thalithan, al-mashi'a, que Allah l'a voulu. Wa rabi'an, al-khalq, que Allah a créé cette chose. On reprend. Première étape, al-ilm. Allah l'a su. Thaniyan, al-kitaba. Allah l'a écrit. Thalithan, Allah, al-mashi'a. Allah l'a voulu. Là, c'est mashi'a, c'est pas irada, c'est mashi'a. Wa rabi'an, Allah khalakahu, al-khalq, Allah l'a créé. Donc ça a eu lieu. Adi maratib al-qadar. Donc eux, les gens de la Jahiliya, ils renient ce qadar. Et les masalis qui vont venir là sont liés les unes aux autres. مثلا في قول عز وجل يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. Parmi les versets qu'ils disent, dans le sens là où il dit, ceux qui ont associé diront si Allah avait voulu, mais là c'est ma shi'a, لو شاء الله, ليس أراد الله, لو شاء الله, si Allah l'avait voulu, n'aurions pas fait de shirk, ni nous ni nos pères, et nous n'aurions rien interdit, et nous n'aurions rien interdit. Et c'est un autre verset qui va dans le même sens. قال العلماء في تفسير الآية على قولين. Que les ulama ont interprété ce verset de deux façons. الأول, ce qui est voulu par لو شاء الله, c'est-à-dire si Allah l'avait voulu, c'est qu'il refuse le qadar. C'est-à-dire que si Allah avait une mashi'a, une volonté, il ne nous aurait pas laissé faire ces choses-là. Donc, c'est-à-dire que Allah n'a pas de mashi'a. Donc là, il refuse le mashi'a. Et le qadar. Ça, c'est le premier call. C'est-à-dire que, en faisant cela, il refuse le destin du fait que si Allah avait une mashi'a, une volonté, il ne nous aurait pas laissé faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attribué les actes à leur propre personne. Ce sont eux qui ont créé leurs actes. Ce qu'ils ont fait, ça vient de eux-mêmes. Ils sont indépendants. Et ça, c'est le madhab des Mu'tazila. Qui dit qu'Allah n'a pas de machia dans le kufr et dans l'imen. Ni dans le mal, ni dans le bien. Et cela ne vient que des créatures. Ce sont eux qui font ce qu'ils veulent. Donc là, on voit que les jahil Mu'tazila ont pris le call des gens de la jahiliya. Donc ça, c'est le premier call, le premier tafsir de ce verset. Deuxième, le shir dit, Al-Murad bi qawlihim law sha'a Allah ma ashrakna, que si Allah avait voulu, nous n'aurons pas associé. Que Allah agrée nos actes. C'est-à-dire que si Allah avait voulu, nous n'aurons pas fait. Donc si on l'a fait, c'est qu'il l'a voulu. Et s'il a voulu, c'est qu'il aime cela. Donc là, ils ont mis quoi? Ils ont mis la mashia dans Al-Irada al-Shar'iyya. Donc, d'ici à Allah n'avait pas voulu, quand même, il n'aurait pas aimé cela, il ne nous aurait pas laissé faire. Donc, ce qu'on fait, c'est que Allah, il a voulu l'agréer. C'est qu'il l'agréer. On va pas dire aimer, on va dire plutôt qu'il l'agréer. C'est-à-dire que eux, ils croient au Qadar, cependant, ils se permettent de faire ce qu'ils font en disant que Allah agrée ce qu'ils font, sinon ils ne l'auraient pas laissé faire. Donc, ils sont partis plus loin même, jusqu'à dire que ce qu'ils font, à la ta'atullah, c'est une obéissance à Allah. Ils disent nous, atta'na mashi'at Allah. Nous avons obéi à la volonté d'Allah. Ce que nous faisons, c'est une chose que Allah il a voulu. Donc ça sont les deux calls. Premier call, qu'ils disent que Allah n'a pas de mashi'at, pas de qadar. Donc ce qu'ils font, ils le font de eux-mêmes. Deuxième call, que ce qu'ils font, Allah l'agrée. Car s'ils n'avaient pas voulu, ils n'auraient pas fait. Akada. Et le deuxième call, il amène à quoi? À ce qu'ils argumentent et qu'ils justifient leurs mauvaises actions par le qadar, en disant que ce qu'on fait, et ça va venir après dans une mas'ala, que ce qu'on fait, c'est Allah qui a qadar pour nous. Donc il n'y a pas à nous blâmer, ce qu'on fait. Nul blâme sur nous, ce qu'on fait, c'est Allah qui a voulu qu'on le fasse. Et ça, c'est la croyance de qui? Des Jibriyas. C'est une secte des Jibriyas qui disent que le croyant, ou plutôt la créature, le mukallaf, ne fait rien de lui-même. Ce qu'il fait, c'est Allah qui le fait faire. C'est comme s'il était une marionnette. Il est contraint. Donc les Jabriya, ils ont pris leur call de qui? Des gens de la Jahiliya. Azaw. Donc après, maintenant tous ces gens-là, on leur dit, c'est quoi le dalil, est-ce que vous dites? Car des hadiles sont venus que Allah s'en a, justement, il a le qadar. Il prédestine les choses. Plein de hadiths sont venus, comme le hadith qu'on a cité par exemple, Rufat al-Aqlam, wa Jufat al-Suhuf. Wa kazalika, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ibn Abbas, i'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka, wa ma akhta'aka lam yumkin yusibaka. Sache que ce qui t'a atteint ne devait pas en être épargné, et ce dont tu étais épargné ne devait pas t'atteindre. Wa fi nafs al-hadith, fi riwaya ukhra, qala, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةِ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ Ala anya duruka bishay, l'anya duruka ila bishay kat katabalahu alayk. Que si jamais ils se réunissent tous, la umma, pour te faire du mal, ils ne te feront que ce que Allah t'a déjà prédestiné. Walin ijtama'u ala anya nfa'uka bishay, l'anya nfa'uka bishay ila bishayin kat katabahu Allahu lak. Que si jamais ils se réunissent pour t'apporter quelque chose, c'est-à-dire en bien ou quoi, ils ne t'apporteront que ce que Allah t'a déjà prédestiné. كل هذه الأمور والأدلة كثيرة على باب الأدلة في القدر. Et celui qui veut en savoir plus, inchallah, il revient en durus de شرح أصول الإيمان qu'on avait sur le site du Cheikh Al-Uthaymeen Ibn Al-Uthaymeen رحمه الله تعالى. Donc on dit à ces gens-là, c'est quoi votre preuve que Allah SWT agrée ce que vous faites? Car les adilets du Qadar, khalas, ils ont été donnés. Maintenant, c'est quoi votre preuve que Allah SWT agrée ce que vous faites? Parce que nous, on le dit quoi, comme le chez le site? Si jamais Allah avait agréé ce que vous faites. Tamam? Alors, pourquoi a-t-il envoyé les messagers? Ha'oula ja'ou li inkar et shirk. Ils sont venus pour blâmer le shirk. Ou al-da'wa le tawhid. كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc on s'est envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et le niveau du taghout. Donc elle est où la faïda? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour blâmer cela et après il agrée que vous le fassiez? C'est pas Marcoul qui n'agrée pas le kufr, ni le shirk, ni les ma'asi, ni le mukhalafat, qui nous a appelé à كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. Que soit de vous une communauté qui appelle au bien, ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Ce sont ceux-là qui réussissent. Donc et où la faïda de tout ça? C'est pour faire le mal et dire que Allah il l'agrée. Donc les gens qui disent que Allah il l'agrée, qu'ils apportent leurs preuves. Nous on a des preuves que Allah n'agrée pas cela. T'as même? Et des preuves, le Coran, il est rempli de cela. Al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Donc le fait de venir avec ces shubuhat, de renier le qadar, ou de justifier les actes mauvais par le qadar, ça, ce sont des sifats des gens de la jahiliya. Tamam? Et là, ça va venir avec la mas'ala, qui vient maintenant, qui est Rabi'a wa Arba'un. قال الاعتذار عن كفرهم بأن الله قدره عليهم. أي الاحتجاج على الله به. Qu'ils prétextent, justifient leur mécréance, disant que Allah leur prédestinait sur eux. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Que ce qu'ils font, ça s'en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'ils font, c'est une chose que Allah a prédestinée, donc forcément, il l'a voulu, ça c'est sûr qu'il l'a voulu. Al-Mashi'a, alors on dit bien Mashi'a, et qu'il l'agrée. Et donc cela est faux, car on sait, et ils savent, nous savons tous, que nous avons le libre arbitre dans nos choix, dans nos actes. Si on veut, on fait une chose, et si on veut, on ne la fait pas. Dans beaucoup de situations. Nous ne sommes pas contraints. Celui qui est contraint d'une chose s'en rend compte qu'il est contraint. Et celui qui est libre de faire une chose, il se rend compte qu'il est libre. Amen. Donc l'irtijaj bi qadar alashay baatil, et qui nous a montré le chemin à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré la voie à suivre, qui est l'islam et la sunna. Il a montré les voies qui sont à éviter, qui sont les plus nombreuses, qui sont les voies du shirk, hein, et du kufr, et des mukhalafat, et des ma'asi, de la bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les causes pour pouvoir parvenir à la bonne voie à suivre. Il nous a donné les avertissements pour éviter les mauvaises voies à suivre. Tout cela. Comment peut-on dire par la suite que Allah a voulu pour nous et agréé pour nous le mal que nous faisons? C'est une réponse tout à fait irresponsable. Quand le Ta'ala, wa la yarda li ibadihi al-kufr. Il le dit bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas pour ses serviteurs le kufr. Donc comment dire que Allah agrée ce que vous faites? Donc comment expliquer le fait que Allah il qadar une chose et qu'il l'ait voulu avec la mashi'a, cela n'implique pas forcément qu'il l'agrée. Et le pourquoi, on n'a pas à le demander. Comme encore le Ta'ala, « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun » Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et eux seront interrogés. Donc le pourquoi ne revient pas à nous. Le Qadar, c'est un bab qui est « Wa asir jiddan » Et celui qui rentre dedans trop profondément, il se noie. Irrémédiablement, il se noie. Donc s'arrêter à ce que là à la limite que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé dans le qadar. Ce qu'on a à savoir, on le sait, et le reste, on n'a pas à le savoir. Et trop en chercher amènera à la noyade. Azaou. Le qadar, c'est un bab qui est très dangereux. Et celui qui est modeste et qui connaît la valeur de sa personne, sait où s'arrêter. Et celui qui a des wasawis, comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des wasawis par rapport à ça. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق هذا من خلق هذا حتى يقول من خلق الله فمن بلعه ذلك فليستعذ بالله ولنتهي. Que le shaitan vient nous voir et il nous dit qui a créé cela, qui a créé cela, qui a créé ceci, jusqu'à ce qu'ils disent qui a créé Allah. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui trouve cela en lui, alors qu'il cherche refuge auprès d'Allah, qu'il arrête tout de suite. Les wasawis, ils arrivent, on ne peut pas les éviter. Mais qu'est-ce qu'il faut, c'est lorsqu'ils viennent, leur fermer la porte et arrêter tout de suite. Et on sait comment faire. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils persistent sur leur wasawis. Après, ils arrivent à douter, et après, ils arrivent à de très fâcheuses conséquences qui arrivent soit à la déviance dans leur religion, ou soit jusqu'à l'apostasie. Pourquoi? Car ils n'ont pas fermé la porte aux wasawis. Et Shaitan, il est là pour ça, pour nous faire apostasier. Pour nous prendre avec lui. Comme il l'a dit, tant qu'il sera là, c'est un adou moubine pour nous. Tant qu'il sera là, il voudra nous prendre avec lui, par toutes les mêmes. Et parmi les abouab al-lati yaltabis al-muslimin, bab al-qadar. Parmi les choses sur lesquelles il trompe les muslims, celle du destin. Car c'est un sujet qui est très complexe et qui demande de savoir où s'arrêter. Donc ces gens-là, qu'ils prétextent qu'ils font du mal et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a agréé et qui l'a voulu, on leur répondra, comme l'a dit Shah Al-Semin, par une réponse explicite et qui elle-même est radicale. Quelle est-elle? Ces gens-là font du mal, dit c'est Allah qui l'a voulu. Donc on ne peut pas me blâmer. Donc toi, cette personne-là, tu viens, tu lui prends ses biens, tu lui prends ce qu'il a comme bien. Tu lui fais du mal, tu viens juste envers lui. Si Ami te dit pourquoi tu fais ça, tu dis c'est Allah qui l'a voulu. Il ne doit pas l'accepter. Tu ouvres la porte à l'anarchie en faisant cela. Chacun fait ce qu'il veut. En justifiant les actes mauvais par le qadar, on ouvre la porte à l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut, après il dit je fais ce que je veux, c'est Allah qui l'a voulu. Et les gens savent très bien ce qu'il faut au fond d'eux. Allah nous a mis une chose qui s'appelle une conscience en nous, même les koufars, disons. Des fois, ils font un mal. C'est l'âme qui blâme. C'est l'âme qui blâme. Celle qui te dit que quand tu fais du mal, elle te blâme du mal que tu as fait. Et on a le nefs qui est elle ammaratun bisou. On a l'âme qui est celle qui appelle au mal. Et on a le nefs elle mutma'inna. La nefs, l'âme qui est rassurée. En fait, les trois sont une même âme. Ce sont les trois traits que cette âme contient en elle. Celle qui te blâme lorsque tu fais du mal, celle qui t'appelle au mal, du moins le côté qui t'appelle au mal, et l'nefs al-mutma'inna, celle qui est apaisée du bien. Les trois sont en nous. Donc celui qui fait un mal, l'nefs al-lawwama mawjouda, elle est là, pour lui rappeler que ce qu'il fait, c'est un mal. Donc il se serait bien au fond de lui. Même les koufars le savent. Ceux qui se font repentis, ceux convertis savent très bien qu'avant ils faisaient du mal, au fond d'eux c'est très bien que ce qu'ils avaient fait, c'était pas bien. On le savait tous au fond de nous. T'en as même des fois des koufars, des fois un mal, et après ils avouent, ils ne supportent pas. C'est trop lourd pour eux. Il faut qu'ils avouent le mal qu'ils ont fait. Et tu les vois, ils pleurent. Qu'est-ce qui appelle à faire cela? Car ils savent au fond d'eux ce qu'ils ont fait, c'est un mal. Donc que dire d'un musulman qui sait que Allah lui a interdit ces choses-là? Il les fait, après il dit c'est Allah qui l'a qadar, pour moi qui l'agresse cela. Al-Hashib istizabeddin. C'est une forme de réunion vers la religion. Fahad al-Kol, Jamin Man, Min El Jahiliya. Ça vient des gens de la Jahiliya. Thumma Kol al-Mas'ala al-Khamisa wa Arba'un. Da'wahum at-Tanakud bin Ash-Shal'illah wa Qadarihi. Qu'ils disent qu'il y a une contradiction entre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et son destin. Entre les deux. Donc le shir, il dit, ta'ala, azil mas'ala aydan tata'alaku bil qadar. C'est toujours lié au destin. Des gens qui disent que ce que Allah a voulu s'oppose à ce qu'il a légiféré. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné le kufr et la foi, tamam, et qu'après leur met des législations qui appellent à qui leur donnent des ordres, des interdits. Donc quel est l'intérêt de m'interdire une chose, de me la prédestiner, je serai contraint à la faire. Tamam, tu m'interdis une chose, dans le sens comme ils disent, et de l'autre côté, tu me contrains à la faire. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ces gens-là voient que leurs actes, ils sont contents de les faire. Donc le shir, il dit ça, c'est parmi les sujets les plus dangereux dans les masselles de la Jahiliya qui sont liés au Qadar. Qu'ils prétendent que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, shar'ullah, tu'arid qadarahu, s'oppose à son Qadar. Donc il n'y a aucune contradiction entre les deux, abadan. Allah subhanahu wa ta'ala interdit le shirk, les ma'asi et le kufr. Il a légiféré l'iman, l'istiqama, wa salih, la réforme. Donc ce que les gens font, le font par leur libre arbitre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis cela pour éprouver ses serviteurs, savoir qui veut la vérité, qui veut le faux, qui veut le jannah, qui veut l'nar, qui veut l'istiqama, qui veut l'ma'asi, wa ghayr zalika. Tout cela ici. Comme qu'on est à Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour vous éprouver afin de savoir qui œuvre le mieux parmi vous. Donc là, celui qui veut le bien, la voie lui est dictée, elle est donnée et elle est éclaircie. Il sait comment faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala le facilitera. Comme qu'on est à Azza wa Jal, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc celui qui a donné et qui a craint et qui a cru en la bonne nouvelle, celui-là, nous le faciliterons. Quant à celui qui a été avare, qui s'est détourné et qui a démenti la bonne nouvelle, nous le faciliterons au mal, c'est-à-dire à la difficulté qui n'atteint pas la bonne nouvelle. Donc la chose revient en premier lieu, bad mashiatillah, au serviteur. Comme qu'on est à Allah, fa man sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il mécroit. Mais par la suite, chacun rendra compte de ses actes. Donc le shir, il dit en khulasa à la fin. Quand tarakhasa hadi al-masail, anna al-nas fil qadar ma'a shar' inqasamu ala arba'ati aqsam. Les gens sont de quatre catégories. Al-awwal man yuthbit al-qadar wa yanfi al-shar' wa hum al-jibriya. Ceux qui affirment le qadar mais renient la législation sont les jibriya, c'est-à-dire que eux ils voient que ce qu'ils font, ils sont contraints, donc personne ne peut les blâmer. القسم الثاني من يثبت الشرع وينفي القدر وهم القدريه. Ceux qui affirment la législation et renient le qadar, ce sont les qadariyah. Donc eux ils disent quoi? Que c'est le serviteur qui crée ses actes. Ce qu'il fait, ça n'en vient que à lui, que Allah n'a pas là-dedans, n'a rien à voir là-dedans. Car en faisant cela, ils affirment qu'il y a un autre créateur que Allah subhanahu wa ta'ala. القسم الثالث من يثبت الشرع والقدر ويزعم ان بينهما تناقضا وهم المشركون. Ceux qui savent qu'il y a une législation et qui savent qu'il y a un qadar, cependant disent que l'un s'oppose à l'autre. Et ça, ce sont les mushrikoun. والرابع من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهما التناقض وهم اهل السنه والجماعه. Ceux qui affirment le shara, qui affirment le qadar et qui voient qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux, et eux, ce sont les gens Al-Sunnati wa al-Jama'a. Donc ces masailles qui sont liées au Qadar, elles sont toutes le fruit des gens de la Jahiliya, à la base. Donc, Piyad al-Qad Naktafi, Inch'Allah, on a pris aujourd'hui donc trois masailles qui sont le fait qu'ils refusent le Qadar. D'autres qui justifient leur mécréance en disant que Allah l'a prédestiné pour eux. Et d'autres qui disent que La législation d'Allah SWT et le destin s'opposent. Car Allah SWT nous impose des choses, et à contresens, il nous prédestine de faire du mal. Ava. فهذه من مسائل الجاهلية من أخطر ما يكون. وبدأ قد نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين.